E. Tu aimes la musique? Il possède une voiture, des lunettes et des skis. Tu as vu le dernier film de Liliane Dufour? Tu m'attends dans la rue Saint-Hubert? Julien, tu viens avec nous?